Il faut toujours que l'Union africaine valide pour que l'OTAN se cache derrière l'Union africaine pour tuer les Africains. Pour une fois, ça a capoté. Malheureusement, nous ne connaissons pas la liste exacte des présidents qui ont fait capoter ça, mais nous les saluons. Ou l'Union africaine rejoint les options panafricanistes, ou elle va se disloquer. Parce que les Occidentaux vont tirer les États qui les ont soumis pour dire que soutenez-nous. Et là, ça va être un casus belli pour les États qui estiment que c'est terminé la soumission à la criminalité occidentale qui a longtemps détruit le monde. Et l'Union africaine va faire quoi? Comment elle va gérer ça? Ben, il faut voir les choses sont en train de partir. Et nous, on est contents, nous, les panafricanistes, parce qu'on a anticipé sur tout ça. Et les choses sont en train de prendre corps. J'ai dit, pour là, pour cette question précise, Macky Sall, il a bien géré son leadership à l'Union africaine. J'ai dit bien là, je suis précis. Sur cette question précise, il est en train de bien remplir le mandat que ses pères lui ont donné. Et c'est clair et c'est net. Afrique Média, le monde, c'est nous.